Jérémie chapitre 38. Mais c'est Fathia, fils de Matan, et Gedalja, fils de Passur, et Juchal, fils de Sélanja, et Passur, fils de Malchija, entendirent les paroles que Jérémie prononçait à tout le peuple, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, celui qui demeurera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, ou par la mortalité, mais celui qui sortira vers les Chaldéens vivra, et son âme lui sera pour butin, et il vivra. Ainsi a dit l'Éternel, cette ville sera livrée certainement à l'armée du roi de Babylone, et il la prendra. Et les principaux dirent au roi, qu'on fasse mourir cet homme, car par ce moyen il relâche les mains des hommes de guerre, qui sont demeurés de reste dans cette ville, et les mains de tout le peuple, en leur disant de telles paroles, parce que cet homme ne cherche point la prospérité de ce peuple, mais le mal. Et le roi Sédécia dit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien par-dessus vous. Ils prirent donc Jérémie, et le jetèrent dans la fosse de Malchija, fils de Amélec, laquelle était dans la cour de la prison, et ils descendirent Jérémie avec des cordes dans cette fosse, où il n'y avait point d'eau, mais de la boue, et ainsi Jérémie enfonça dans la boue. Mais Ebed-Mélec, Chusien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans cette fosse-là, et le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi, et parla au roi, en disant, « Au roi, mon seigneur, ces hommes-là ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait contre Jérémie le prophète, en le jetant dans la fosse, car il serait déjà mort de faim dans le lieu où il était, parce qu'il n'y a plus de pain dans la ville. C'est pourquoi le roi commanda à Ebed-Mélec, Chusien, en disant, « Prends d'ici 30 hommes sous ta conduite, et fais remonter hors de la fosse Jérémie le prophète, avant qu'il meure. » Ebed-Mélec donc prit ses hommes sous sa conduite, et entra dans la maison du roi, au lieu qui est sous la trésorerie, d'où il prit de vieux lambeaux et de vieux haillons, et les descendit avec des cordes à Jérémie dans la fosse. Et Ebed-Mélec, Chusien, dit à Jérémie, « Mets ces vieux lambeaux et ces haillons sous les aisselles de tes bras, au-dessous des cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ainsi ils tirèrent Jérémie dehors avec les cordes, et le firent remonter hors de la fosse, et Jérémie demeura dans la cour de la prison. Et le roi Sédécia envoya, et fit amener vers lui Jérémie le prophète, à la troisième entrée, qui était dans la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « Je vais te demander une chose, ne m'en sais rien. » Et Jérémie répondit à Sédécia, « Quand je te l'aurai déclaré, n'est-il pas vrai que tu me feras mourir? Et quand je t'aurai donné conseil, tu ne m'écouteras point. » Alors le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie, en disant, « L'Éternel est vivant, qui nous a fait cette âme-ci, que je ne te ferai point mourir, et que je ne te livrerai point entre les mains de ces gens-là, qui cherchent ta vie. » Alors Jérémie dit à Sédécia, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu sors volontairement pour aller vers les principaux du roi de Babylone, ta vie te sera conservée, et cette ville ne sera point brûlée au feu, et tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les principaux du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront au feu, et tu n'échapperas point de leurs mains. » Et le roi Sédécia dit à Jérémie, « J'appréhende à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens, qu'on ne me livre entre leurs mains, et qu'ils ne se moquent de moi. » Et Jérémie lui répondit, « On ne te livrera point à eux, je te prie, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, afin que tu t'en trouves bien, et que tu vives. Que si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a fait voir. C'est que, voici, toutes les femmes qui sont demeurées de reste dans la maison du roi de Juda, seront menées dehors aux principaux du roi de Babylone, et elles diront que ceux qui ne te prédisaient que paix, t'ont incité, et t'ont gagné, tellement que tes pieds sont enfoncés dans la boue, s'étant reculés en arrière. Ils s'en vont donc mener dehors aux Chaldéens toutes tes femmes et tes enfants, et tu n'échapperas point de leurs mains, mais tu seras pris, pour être livré entre les mains du roi de Babylone, et tu seras cause que cette ville sera brûlée au feu. » Alors Sédécia dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras point. Et si les principaux entendent que je t'ai parlé, et qu'ils viennent vers toi, et te disent, « Déclare-nous maintenant ce que tu as dit au roi, et ce que le roi a dit, ne nous en sais rien, et nous ne te ferons point mourir. » Tu leur diras, j'ai présenté ma supplication devant le roi, afin qu'il ne me fît point ramener dans la maison de Jéonathan, pour y mourir. Tous les principaux donc vinrent vers Jérémie, et l'interrogèrent, mais il leur fit un rapport conforme à toutes les paroles que le roi lui avait commandé de dire, et ils cessèrent de lui parler, car on n'avait rien su de cette affaire. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison, jusqu'au jour que Jérusalem fut prise, et il y était lorsque Jérusalem fut prise.